instinctif au service de la raison hypopartisanale. Car même à finir en caleçon, ils laissent la voix et la guitare pour venir chanter l'insurrection hypopartisanale. Car ils sont beaux dans leur costard, leur costume de dirigeant ou leur tenue de fils standard. Car rien n'a marre, une envie de massacrer qui passe par là, une nausée intérieure qui remonte du cœur jusqu'au porte-voix. Les mois inévitables face aux banquiers qu'on rend flou, tandis que l'ouvrier est sous prison qui a le rendre fou. Le rêve n'est plus vivable, il parle maudit dans le petit écran. Qu'en Orient, les choses sont graves, ici l'argent est grand. Du fait maison, de la poésie instinctive au service de la raison hypopartisanale. Car même à finir en caleçon, il reste la voix et la guitare pour venir chanter l'insurrection. Hypopartisanale, juste pour tenter de s'exprimer. Si personne n'écoute, ouais c'est pas grave, au moins la rage sera déchargée. Que le CSA cesse ça d'essayer de nous baïonner. Si c'est pas dans une salle, dis-toi que c'est dans la rue qu'on se mettra à chanter. Personne ne fera disparaître le son cinglant de la conscience. Pas même la purée, ses effets nocifs face à l'enfance. C'est pas les patrons voyous ou leurs potes dans les médias. Pas plus que les décisions prises par l'avant-premier. Qu'empêcheront nos cerveaux d'avoir leurs propres décisions. Les incisions dans nos affects, leur teint sur plus de soupçons. Hypopartisanal, car j'étais pas pour la production massive, pas pour les boum-boum à le bal qu'on entend dans les radios. Dites-lui hypopartisanal. Je lâcherai pas le morceau tant qu'il reste pour le dire. Un si grand potentiel de mots, des sentiments à portée de cœur, mélodie à portée de main, dessinée par centaines pour poter le cul humain. Hypopartisanal, du cousu humain, du fait maison, de la poésie instinctive au service de la raison hypopartisanale. Car même à finir en caleçon, reste la voix et la guitare pour faire chanter l'insurrection. Arrive à la poitrine des gens, via les oreilles des auditeurs. S'ils te cognent, te retournent ou juste fais du bien, c'est que comme moi tu te considères comme sans partie des gens humains. Hypopartisanal, du cousu humain, du fait maison, de la poésie instinctive, au service de la raison. Hypopartisanal.